Merci d'être venu, je ne vais pas dire si nombreux. Merci de vous être déplacé. Donc aujourd'hui, on reçoit Constance Bankmann, qui a fait des études en France, ce qui explique peut-être pourquoi tu parles bien français, ou c'est peut-être familial. C'est pas, j'ai grandi en France, je suis française. D'accord. C'est l'inverse. Voilà. Donc des études à Lyon, d'anglais, pas d'histoire. Voilà, après, d'anglais. Et tu t'es intéressé, après, elle s'est intéressée à l'histoire, et tu as fait une thèse sur, justement, qui est en rapport avec le sujet, les rapports entre les anarchistes français et anglais, fin 19e, début 20e. Tu enseignes quoi alors? Le français. Le français à l'université du Surrey. Surrey, j'ai regardé un peu la géographie, c'est au sud de Londres. Et de la ville principale, c'est Guildford, c'est là où est l'université. Donc sa thèse s'appelait French Anarchists in London. Et tu as fait aussi une biographie de Jean Grave. Des articles, mais souvent sur le. C'est, tout tourne autour de ça, c'est vraiment ton intérêt principal. Oui. Mais je pense que c'est un sujet, bon, ils sont contents de ne pas être venus, mais bon, ce qui. Ça, on va pouvoir faire peut-être le rapprochement avec aujourd'hui où les étrangers sont très mal accueillis et tu vas nous dire si les Anglais étaient quand même plus accueillants que ce qu'ils sont aujourd'hui. À toi la parole. Ok, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de votre invitation. Ça me fait très plaisir. Et donc effectivement, on va parler de tout ça, d'histoire de l'asile politique. Bon, évidemment, d'une page d'histoire de l'anarchisme, mais de tout un courant très important dans l'histoire de l'anarchisme, des origines jusqu'à nos jours, qui est l'exil et la mobilité comme fait fondamental de l'anarchisme comme mouvement politique et notamment des réseaux. Voilà, des réseaux qui structure l'anarchisme dans le monde entier et voilà et comment ça fonctionnait au 19e siècle. Alors je suis particulièrement contente de parler de ça ici parce que je vais parler de Londres et donc des exilés anarchistes français à Londres, mais je pense qu'il y a beaucoup d'échos avec Marseille, qui est évidemment une très grande ville de passage et notamment pour les anarchistes aussi. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger autour de ces sujets. Donc comme les anarchistes, c'est le livre que je présente aujourd'hui a beaucoup voyagé. Donc, il a commencé sous la forme d'une thèse que vous voyez ici à l'Université Paris 13, donc soutenue en 2007. Voilà. Ça fait quand même déjà un bon moment. Et donc, c'était une étude plus vaste des liens entre l'anarchisme français et britannique à travers l'exil, à travers la presse, les perceptions mutuelles. Alors ensuite, je suis devenue maître de conférence en Grande-Bretagne et j'ai publié la partie centrale sur cet exil des anarchistes français à Londres sous forme de livre et donc traduit en anglais, en incorporant pas mal de théories parce que c'est un champ d'études qui commençait à se développer. C'est ce qu'on appelle alors de façon un peu jargonnante les études sur l'anarchisme transnational. D'accord, on parle peut-être moins d'international que de transnational, avec vraiment cette idée de circulation, de traverser les frontières et finalement de l'infra-étatique. Et finalement, il y a quelques années, et après des pourparlers assez conséquents, j'ai traduit le livre, je l'ai retraduit en français, en fait, en reprenant ma thèse pour le publier chez Libertalia. Que je remercie au passage, et donc j'étais bien contente de le publier chez cet éditeur que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi donc cette actualité de l'exil anarchiste? Donc le livre est consacré à l'histoire de 500 anarchistes à peu près, qui entre 1880 et 1914 sont partis de France essentiellement, de Belgique, un peu de Suisse aussi, en ayant parfois transité vers d'autres pays pour aller s'installer à Londres. Alors, pourquoi est-ce intéressant de s'intéresser à ces questions? Alors, il y a bien sûr l'actualité de l'anarchisme comme théorie et comme pratique politique. Je pense que je n'ai besoin de convaincre personne ici, mais il y a quand même une actualité particulièrement frappante de ses mobilités, mais aussi de l'anarchisme lui-même. Alors, effectivement, cette histoire parle directement de fermeture des frontières. Je vais revenir sur ce point plus en détail, mais cet exil anarchiste à Londres, et notamment cette présence des Français, a joué un rôle très important dans la remise en question d'une politique d'asile qui était unique au XIXe siècle, au début du XXe siècle. La Grande-Bretagne était un lieu d'accueil unique pour les exilés révolutionnaires du monde entier, notamment de toute l'Europe, pendant le XIXe siècle révolutionnaire. Et cette présence des anarchistes français à Londres a joué comme un catalyseur qui a cristallisé toutes sortes d'oppositions et qui a abouti en 1905 à une révision historique du droit d'asile. Alors c'est quand même assez étonnant, disons, pour un groupe somme toute assez marginal et qui se tenait plutôt tranquille à Londres. C'est une histoire aussi, évidemment, qui nous parle de la fermeture du champ politique, d'accord, puisque pendant toute cette période, bon, pas uniquement en Angleterre, mais en tout cas en France et dans tous les pays où il y avait de l'anarchisme, ce qu'on voit, c'est une redéfinition du champ politique avec l'exclusion des anarchistes. L'idée que l'anarchisme cesse d'être une doctrine politique, considérée comme une branche plus ou moins extrême du mouvement socialiste, et va être consacrée comme une déviance, une doctrine criminelle, etc. Et donc ça fait partie d'un mouvement de criminalisation des radicalités politiques, bon, qui se perpétue aujourd'hui encore. Bien entendu, alors mon travail est vraiment dans la tradition du métron que l'on voit ici. Voilà, c'est la première fois que je présente vraiment en présence physique du métron, donc c'est fantastique. Alors à l'époque où j'ai fait cette thèse, Michel Cordillot avait publié un ouvrage un peu similaire qui s'appelait « La sociale en Amérique » et qui était donc une histoire... Ray, avec un versant dictionnaire, me semble-t-il, je crois que c'est le bon ouvrage, qui essayait donc de suivre des anarchistes ou des révolutionnaires, des activistes individuellement, comprendre évidemment que ce sont les acteurs individuels qui font les mouvements, et le livre de Michel Cordillot faisait ça dans une perspective internationale. Et donc j'ai tenté de faire quelque chose de similaire pour l'Angleterre. Mais c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était considérer voilà, les acteurs, le quotidien, des anonymes qui font l'histoire. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé cette thèse, voilà, au début des années 2000, il y avait une énorme actualité, bien sûr, avec le 11 septembre. Et soudainement, alors, l'histoire des anarchistes de Londres en particulier est réapparue dans les médias comme une espèce de précédent au réseau djihadiste. Il y a eu toute une querelle historiographique qui a duré très longtemps, qui est même allée jusqu'à des grandes universités américaines comme UCLA, en disant voilà, l'anarchisme, finalement, ces réseaux anarchistes du 19e siècle, ce sont des prédécesseurs des djihadistes actuels, des terroristes sans foi ni loi, etc. Et donc il y a eu toute cette veine de travaux, mais qui a duré quand même pas mal de temps. Alors, c'était assez utile pour obtenir des financements de thèse, mais évidemment, bon, c'est fumeux. Évidemment, c'est complètement fumeux, il y a quelques parallèles superficiels qui n'ont pas grand intérêt, mais en revanche, et ça a duré depuis, ça continue depuis longtemps avec quelques nuances, mais bien sûr, l'anarchisme offre un parallèle vraiment intéressant pour comprendre ce que c'est que l'activisme transnational aujourd'hui. Comment des répertoires activistes circulent. Par exemple, je pense à la peinture sur les tableaux. Je dis, ben voilà, moi, ça me rappelle la diffusion du sabotage chez les anarchistes. Les idées circulent, s'échangent. On retrouve des répertoires similaires, des idées qui circulent. Bon, sans dire, voilà, au 19e siècle, les périodiques anarchistes, c'était l'équivalent d'Internet, mais il y a quand même une continuité. Et donc, évidemment, je m'inscris plutôt dans cette mouvance-là. Alors le livre, bon rapidement, voilà la table des matières, bon, qui est chronologique et qui considère le mouvement en interne et en externe. Alors j'ai essayé d'avoir un petit versant comparatif pour essayer de comprendre comment ces anarchistes francophones arrivent en Angleterre, quel est le mouvement social qu'ils rencontrent là-bas. Évidemment l'Angleterre, On dit souvent que ça n'est pas une terre d'anarchisme. C'est un peu exagéré. Ça n'était quand même pas une table rase. Il y avait un mouvement anarchiste. D'accord, vous avez beaucoup d'ouvrages de William Morris ici. Donc William Morris qui avait un mouvement. Il y avait bien sûr le groupe de Freedom. Kropotkin était installé là-bas depuis un certain temps. Mais il y a des traditions. Par contre, des traditions politiques très différentes. Donc il y a quand même un élément de dialogue, d'interculturalité très forte. Donc voilà comment commence le livre. Après la présentation des milieux anarchistes francophones à Londres, je vais revenir là-dessus. Ensuite, ce que c'est que le militantisme en exil. Puis la question épineuse de la propagande par le fait en Angleterre. Donc la propagande par le fait, je pense que tout le monde doit le savoir ici, d'accord ? Et donc, y a-t-il eu de la propagande par le fait en Angleterre ? Évidemment, les journaux l'ont clamé, c'était une excuse très pratique, donc pour évoluer vers ce dont je traite dans le chapitre 6, qui est bien sûr l'idée que les anarchistes exilés étaient de dangereux révolutionnaires, de dangereux terroristes, et qu'il fallait absolument leur fermer les portes du pays. Et donc ça, c'est tout le versant, donc étude de la redéfinition du droit d'asile. Et enfin, ce qui s'est passé après, quand la majorité des anarchistes sont rentrés en France vers 1895, les échanges continuent. Et là, on passe vraiment à du militantisme de réseau, et c'est assez intéressant aussi. Alors, commençons par l'exil et pourquoi Londres. Donc, comme je l'ai dit, grosso modo, on parle d'une confrontation, disons, de deux traditions politiques bien différentes, avec d'un côté la tradition révolutionnaire française, dont les anarchistes dans les années 1880-90 sont une des dernières grandes incarnations pendant le 19e siècle révolutionnaire, et en face, en Grande-Bretagne, la tradition dominante du socialisme, c'est quand même le réformisme. On a un mouvement syndical très fort, très puissant, mais c'est un syndicalisme essentiellement conservateur. Bien entendu, l'International a été créé à Londres. Il y a tout un radicalisme dans les clubs autour de Londres, avec beaucoup, beaucoup de mouvements, d'autant plus que donc des révolutionnaires de toute l'Europe sont installés à Londres depuis des générations. D'accord ? Quand on regarde dans les archives, il y a même des... c'est très rare, mais il arrive que des anarchistes français qui arrivent à Londres au début des années 1880 croisent des républicains exilés en 1851, au moment du coup d'État. C'est vraiment assez, assez marqué. Bon, et surtout la Commune. Bien entendu, avant les anarchistes, il y a toute une vague d'exil des communards. Ça a été une des grandes destinations. Mais néanmoins, la dominante en Grande-Bretagne, dans le mouvement natif, c'est le réformisme. Donc il y a quand même ces courants-là, ce contraste. Alors pourquoi les anarchistes français se retrouvent à Londres ? C'est essentiellement le résultat de la propagande par le fait. Donc cette idéologie ou cette doctrine de la violence politique ou de l'action directe, disons, qui apparaît donc dans les années 70, qui est plus ou moins officiellement adoptée en 1881 au Congrès de Londres, justement, grand congrès socialiste révolutionnaire international, et qui dit donc tout est bon pour la propagande, pour diffuser nos idées, et notamment la violence, et qui au fil des années 1881 est donc de plus en plus interprétée en théorie, terrorisme, et pour faire très vite et sans épouser le terme bien entendu, mais une idée, une doctrine de la violence politique, qui se diffuse et qui aboutit à partir de 1886 en France et jusqu'au mi-temps des années 90 à toute une série d'actes spectaculaires, Ravachol, etc., Émile Henry, qui culmine donc en juin 1894 avec l'assassinat du président Sadi Carnot. Donc s'ensuit une répression à tout craint, ce qu'on a appelé les lois scélérates de 1893-94, donc lois qui jugulent, annihilent complètement la presse anarchiste notamment, qui transforme complètement le traitement légal de l'anarchisme et de la radicalité politique là encore. Donc plus de présomption d'innocence, notamment application rétrospective des peines, d'accord. Donc on peut être puni en 1893 pour quelque chose qu'on a écrit au début des années 1880, ça a failli être le cas de Jean Grave notamment, toute une série d'aberrations. Je suis sûre que vous avez le livre de Raphaël Kempf ici, qui a écrit un excellent livre sur qu'est-ce qu'une loi scélérate, bon, en comparant cette législation avec des législations contemporaines, en sachant que les lois scélérates ont été abolies très tardivement, dans les années 1980. Donc, dans la bonne tradition du mouvement socialiste français, nombre d'anarchistes français décident de prendre le large à ce moment-là. Ça a commencé, en fait, dès le développement du mouvement en France, au début des années 1880. Les anarchistes sont déjà surveillés de très près par la police. Plusieurs d'entre eux, de fait, sont dans la petite criminalité, en général petite, hein, des brigands. Bon, il y a du proxénétisme aussi, et donc ont tendance à prendre le large de temps en temps. Il y a pas mal d'anarchistes francophones italiens installés en France aussi, qui sont regardés de très près par la police. Donc il y a quand même, dès 1880, régulièrement, mais c'est vraiment peut-être un ou deux comme ça qui arrivent, une dizaine, mais entre 1892 et 94, ce sont quand même des vagues ou des pics d'exil vers Londres, et on arrive finalement à, bon, c'est fluctuant, mais entre 4 et 500 anarchistes francophones installés à Londres, et, bon, francophones donc essentiellement des Français, des Belges, des Suisses, des Italiens qui ont transité par la France, des Russes également, c'est l'essentiel de ces groupes. Et ça, c'est vraiment en s'inscrivant dans la mouvance, donc vraiment d'un siècle d'exil radical vers Londres qui a commencé, bon, avec la Révolution française, mais avec la Révolution française à l'origine, c'est surtout les nobles qui partent, évidemment. Mais pendant tout le siècle, il y a eu une tradition d'exil révolutionnaire et contre-révolutionnaire. Évidemment, 1848 aussi, grand moment, la Commune, j'en ai parlé, etc. Et donc, il y a ces espèces de filières, en fait, de migration qui existent et qui sont présentes dans les imaginaires aussi. Donc ça, c'est le pic. Alors, Londres, ben, voilà, c'est la destination traditionnelle des exilés. Beaucoup d'entre eux ont écrit là-dessus, comme Jules Vallès ou Charles Malato, qui fait partie donc des exilés anarchistes. Et puis 1895, ça se calme. En fait, il y a en France le tristement célèbre procès des 30 de d'août 1894, qui est le grand procès spectacle de la répression d'anarchisme et qui est une espèce de simulacre de justice et qui met en échec de façon très publique cette stratégie très répressive contre l'anarchisme, et donc à ce moment-là, la répression se calme, le climat se détend un petit peu, et une amnistie, alors pas directe, mais une amnistie permet le retour de la majorité de ces exilés. Donc on parle en fait vraiment, le pic de cette période d'exil, c'est 1890-95. Alors qui sont ces exilés? J'en ai déjà dit plusieurs mots. Bon, un groupe, dans quelle mesure... Je peux poser une question? Oui. Et comment ils prenaient le bateau normal pour se barrer? On va peut-être en parler après. Mais non. Mais on les laissait partir, ils avaient des fausses identités, bon, etc. Oui, alors tout, oui, à tout. Alors on les laisse partir plus ou moins. Il y a une tentative d'organisation des polices internationales, mais c'est très douloureux. La surveillance des anarchistes, je vais le dire après, je pense, c'est l'ancêtre d'Interpol. D'accord, ça a été la surveillance de ces réseaux d'anarchistes a abouti à la mise en place des premiers accords internationaux, des premiers protocoles de coopération policière. Mais ça se fait dans la douleur. Hein. Ça se fait vraiment dans la douleur, dans la rivalité, notamment car la police britannique n'est pas du tout coopérative. Un, ils ne veulent pas dire qu'ils surveillent, parce que ça fait pas... pour un grand pays qui se vit comme une grande puissance libérale, très au-dessus de cette surveillance et de cette répression continentale, ça fait mauvais effet, mais enfin, moyennant quoi, ils ont créé Scotland Yard pour surveiller les anarchistes et les Irlandais, bien sûr. Donc ils ont une police très active, mais ça c'est un secret très bien gardé. Ils considèrent que les polices continentales sont complètement incompétentes. Et bon, les Français notamment, mais les Italiens tout particulièrement, et les Belges. Donc ça, ils essayent, il y a beaucoup d'archives policières où il y a des plaintes mutuelles en disant « Est-ce que vous pouvez nous signaler quand quelqu'un prend le bateau ?» Mais il y a quand même des gendarmes aux frontières, la police aux frontières. Il y a un album photographique des anarchistes avec des portraits, ce qu'on appelle des portraits parlés, de Bertillon à l'époque, un exemple plus tard, pour permettre de les repérer aux frontières. Donc il y a ça. Il y a de la surveillance et en même temps on laisse filer. Pour les Français, c'est quand même bien pratique de laisser filer, qu'ils soient en Angleterre plutôt qu'en France. Ils emploient, ces anarchistes, de plus en plus des itinéraires plus discrets. Donc, dans Malato, les joyeusetés de l'exil, que vous avez peut-être ici, donc il raconte tout, lui, très très bien. Il donne même les horaires des trains pour savoir comment faire. Mais il donne quelques itinéraires, et notamment, il recommande la ligne de Honfleur à Littlehampton, qui est vraiment une ligne totalement mineure, donc pour échapper à la surveillance. Et sinon, quand même, dans les rapports de police, on trouve des informations sur certaines arrivées. Ça peut se faire dans les très grandes gares. Donc Victoria, notamment en plein centre de Londres. Donc ça, j'imagine que c'est Douvres aussi. Mais quand même, ils ont un petit peu écrit sur le passage. Mais il n'y a pas d'inventaire systématique côté britannique. C'est une des choses qui change justement avec toutes ces transformations induites. En résultat de cette présence des anarchistes avec l'Aliens Act. Alors donc un groupe, mais entre avec un point d'interrogation, parce que bon, ces anarchistes sont évidemment décrits comme une colonie, un groupe dans la presse des deux côtés, la presse conservatrice notamment, grand public à sensation, qui a tout intérêt à faire monter cette idée dans les rapports des espions également, le quartier français. Ils sont en majorité installés dans le quartier de Soho et Fitzrovia, au centre de Londres, là encore, zone d'installation traditionnelle des exilés révolutionnaires français. Mais, bon, je pense que cette dimension de groupe de cohésion a été exagérée en même temps, parce que ça n'était pas si homogène, mais de fait, ils sont installés quand même dans quelques rues clés. Donc cette notion de groupe et de colonie est problématique. Bon, les contours sont flous, comme je l'ai dit. Alors, français ou francophone, j'en ai parlé, d'accord, c'est vague. Alors les noms, on a parlé des noms. Il y a notre source principale, la presse, notamment la grande presse, quelques journaux anarchistes, mais dans la presse anarchiste et notamment la presse d'exil, ils sont quand même très discrets, d'accord. Ils utilisent des initiales plutôt que les noms complets. Et donc dans la presse à grand tirage, on a quelques noms aussi, mais c'est surtout les rapports de police. Et les rapports de police, ils n'en voient pas. Bon, ils dépendent beaucoup des mouchards en fait. Des mouchards dont la graphie n'est pas toujours spectaculaire, que ce soit les noms des rues, les noms des individus, ils entendent des noms. Donc parfois on a des listes, ça c'est quand même formidable, on a des inventaires avec des adresses. Mais parfois, voilà, 4 ou 5 graphies différentes pour une même personne. Et enfin, il y a bien sûr des pseudonymes. D'accord ? Donc, Charles Malato, qui est le principal chroniqueur, en fait, de ces années d'exil, lui, vraiment, je crois qu'il aimait bien se moquer, donc il a pris le surnom de Polydore Barbanchu. Émile Pouget, qui est dit le père Pénard, donc qui est sans doute un des plus célèbres exilés. Alors lui, c'est assez intéressant parce qu'il relance son père Pénard de Londres. Il est installé, lui, un peu à l'extérieur, justement. Il n'est pas dans le centre. Il est dans le quartier d'Islington, qui est plus au nord. Et il relance son père Pénard, une petite série londonienne qui est absolument extraordinaire, qui est numérisée, qu'on peut consulter en ligne. Et il écrit, voilà, à l'extérieur, « Écrivez-moi sous le nom d'Émile Boiteau. » C'est son nom de plume, ou disons son pseudonyme. Et il écrit, voilà, il faut m'écrire à ce pseudonyme, etc. Donc c'est expliqué dans son journal. Et donc, il y a d'autres anarchistes qui prennent comme ça des pseudonymes. Pour, donc, ça ajoute finalement au flou de ces groupes. Et bien sûr, il y a toute la question de, voilà, du statut militant de ces exilés. Est-ce que ce sont des anarchistes? Est-ce que ce sont des déserteurs? Bien entendu, l'antimilitarisme était très important à cette époque parmi les anarchistes. Donc, c'est un peu des deux à la fois. Est-ce qu'ils partent parce qu'ils ont déserté? Est-ce qu'ils partent parce qu'ils vont être embêtés parce qu'ils sont anarchistes? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des démêlés avec la police pour des actes de petite criminalité? Et puis, une fois qu'on est là, il y en a certains qui se dépolitisent aussi en exil. Ben, c'est pas toujours facile de faire de militer. Qu'est-ce que ça veut dire militer? Et puis surtout, ils ont des grosses difficultés financières. Donc tout ça, c'est quand même assez flou. Après, il y a toute la question des femmes. Voilà, un sujet sur lequel je suis toujours très intéressée d'échanger, notamment les femmes dans l'exil. Voilà, dans l'exil et dans les migrations anarchistes. Parce que si on a du mal à suivre les hommes et la majorité des activistes, c'est encore plus dur. Voilà, de repérer les femmes qui sont complètement invisibilisées dans les rapports de police. L'idée qu'une femme puisse être politisée et faire de l'activisme, ça ne leur traverse pas l'esprit. Donc elles apparaissent parfois en harpie, en furie révolutionnaire. Donc c'est l'espèce d'épigone de la pétroleuse. Et puis parfois, elles sont connues sous le nom de femme X, femme Y. Donc Pouget est là avec sa femme, mais on sait peu de choses sur elle. Donc il faut vraiment lire en filigrane. Malato parle un peu des femmes, notamment quand les groupes anarchistes, pour se divertir, mettent en scène des pièces de théâtre. Toujours à forte charge satirique, donc notamment une pièce en un acte, que Malato lui-même a écrit, qui s'appelle « Mariage par la dynamite », voilà, où tous les personnages sont des policiers, des fonctionnaires, etc. Et les femmes jouent des rôles. Voilà, donc, mais il y a quand même... Bon, on commence à fouiller un peu, on peut trouver des choses, mais il faut les chercher, vraiment de façon très active. Alors, qui sont... Bon, socio-professionnellement, que font ces gens? Donc, la composition de ces groupes est très intéressante parce que, évidemment, ceux qui partent, c'est ceux qui ont le plus d'ennuis avec la police. Donc, ce sont essentiellement les journalistes. Donc, Émile Pouget, donc Lucien Veil, qui était un ancien gérant du Père Pénard, qui va recréer un journal là-bas, Malato, qui a eu pas mal d'ennuis avec la police, et plusieurs autres. Et donc ça explique que cette communauté ait une vie politique extrêmement riche. D'accord ? Et notamment, il y a également des auteurs, comme Paul Reclus, le neveu d'Élisée, qui lui-même, bon, qui est ingénieur, mais aussi auteur de plein de droits, et également, bon, Augustin Hamon, personnage assez intéressant, qui, à l'époque, bon... un auteur anarchiste qui a écrit notamment des ouvrages de sociologie de l'anarchisme, qui se retrouve là aussi. Donc il y a toute une élite intellectuelle, finalement, et c'est reproduit dans les autres groupes qui sont là à Londres, que ce soit les Italiens, Malatesta, évidemment, se trouve à Londres à ce moment-là, chez les Russes avec Kropotkine, dans les milieux juifs anarchistes de l'East End de Londres, Rudolf Rocker. Donc on a vraiment des groupes où bon, tout le monde n'y est pas, côté français, donc par exemple Sébastien Faure n'y est pas, Jean Grave n'est pas parti, mais on a quand même vraiment cet épicentre du mouvement qui s'est déplacé. Pour les autres, beaucoup d'artisans, plus ou moins qualifiés, mais c'est une très grande misère. C'est une très grande misère, et même un anarchiste meurt, Gardera, qui écrivait pour le Père Pénard, qui était assez connu dans ces milieux. Bon, meurt, c'est la pauvreté, le froid, les nuits dehors, l'emprisonnement à son retour à Paris. Il finira par mourir. Donc... C'est très dur. Que font-ils? Comment retrouvent-ils du travail à Londres? Certains travaillent pour la communauté ou dans la communauté. Donc, si on lit les journaux anarchistes de Londres, on trouve des publicités pour certains commerces. Donc, un tel, voilà, une épicerie, tel autre est coiffeur. On a comme ça des publicités qui permettent de voir, bon, un peu de travail dans l'hospitalité, la restauration, etc. Alors, donc, j'ai parlé de cette petite France anarchiste, de cette idée, est-ce que c'est un groupe homogène ou pas. En tout cas, ils sont connus comme ça. D'accord ? C'est un peu exagéré, mais ça correspond bien à cette réalité qu'ils voyagent, ils traversent la Manche et ils reconstituent des réseaux. Quand ils arrivent à Londres, ils peuvent aller à l'épicerie de Victor Richard, qui était déjà un exilé de la Commune et qui a sa boutique au cœur, voilà, de cette petite France anarchiste, et ils savent que c'est un premier endroit où on peut aller, et également chez Armand Lapie, lui qui a une librairie, et on peut également aller chez Lapie, et c'est un lieu de rencontre. On peut aller, voilà, je n'ai même pas dit, chez Louise Michel, d'accord. Alors je ne sais pas si cette photo a été prise dans sa maison de Londres, où elle est restée très longtemps. Louise Michel est une exception, parce que elle a beaucoup aimé Londres. Les autres anarchistes, en grande majorité, ont détesté cette ville froide, triste. Bon, l'ennui de l'exil, l'exil c'est toujours terrible, mais Londres était vraiment mal aimée. Bon, Malato aimait bien, il trouve ça poétique, et puis il parle l'anglais, ça aide, il parle l'italien, il y a beaucoup d'italiens. Il a beaucoup écrit là-dessus dans son livre Les Joyeusetés de l'exil. Il y en a quelques-uns qui ont bien aimé. Georges Darien, qui a écrit Le Voleur, donc qui était dans ces milieux, lui aussi il a bien aimé. Il a dit voilà, je ne suis pas restée me morfondre dans le quartier français, j'ai exploré, etc. Et Louise Michel, elle a vraiment aimé. Dans ses mémoires, elle écrit, voilà, sur les amis qu'elle s'est faites, sur l'apprentissage de la langue anglaise, la poésie de la ville. Elle s'est vraiment intéressée aux institutions. Et donc, elle est restée en Angleterre à peu près jusqu'à sa mort. En 1905, évidemment, elle n'est pas morte à Londres, on le sait bien. Mais oui, je sais. Mais d'ailleurs, je me demande si la photo n'est pas de là. Je ne suis pas sûre. Mais elle est restée à Londres, essentiellement, elle était très heureuse là-bas parce qu'elle trouvait que la surveillance policière était beaucoup moins étouffante. C'est pour ça qu'elle est partie là. Et donc, Louise Michel aussi, on vient toujours frapper à sa porte, on sait qu'on aura toujours un petit peu d'argent, qu'on aura toujours de la solidarité, et c'est à tel point que j'ai retrouvé une lettre de Kropotkin qui écrit à un anarchiste britannique qui s'appelle Alfred Marsh, qui travaille à Freedom, qui lui dit, oh là là, Louise Michel nous a encore ramené deux individus crasseux aujourd'hui qu'elle a repêchés dans le quartier français. C'est pas possible parce que tout le monde s'adresse à Louise Michel en sachant bien qu'elle pourra pas dire non. Et donc, elle est de très bonne volonté, mais elle permet à n'importe qui de rentrer dans ses milieux. D'accord ? Donc, il y a toute cette idée des réseaux de solidarité qui fonctionnent à plein en exil et notamment autour de Louise Michel. Mais également, on va le voir, je crois, je l'ai montré ici, voilà, ça c'est le Club Autonomie, qui est le haut lieu de rencontre des anarchistes internationaux de Londres, assez sulfureux, et c'est un autre endroit où on peut dormir quand on n'a nulle part où aller, où il y a une marmite pour nourrir les nouveaux arrivants. Alors, au quotidien, le militantisme, donc, comment se manifeste-t-il ? Donc, bon, ce qui est intéressant, je crois, aussi dans ces milieux d'exil, c'est que ça permet de questionner le lien entre internationalisme et internationalisation. Désolée pour le jargon, mais dans la pratique, voilà, l'anarchisme se revendique sans doute comme la plus internationaliste de toutes les doctrines, par la force des choses et l'opposition à l'État. Alors, qu'en est-il, voilà, quand on est en situation de mobilité, quand on est à l'étranger ? Eh bien, par exemple, j'ai parlé du Club Autonomie, eh bien, pendant la grande période de l'exil, les sections, il y a des sections de langue, donc sections de langue française, de langue italienne, se réunissent à des jours différents. Donc ça vous indique déjà qu'il y a une certaine séparation nationale. Mais en même temps, il y a des cours de langue, il y a des cours d'espéranto également, il me semble, et il y a beaucoup d'événements et de réunions internationales, donc comme cela ici, on voit au milieu, qui rassemblent tous les groupes. Donc on est vraiment entre une espèce d'isolement, de séparation nationale, ou en tout cas linguistique, et je pense surtout linguistique, et d'autre part, des grandes réunions internationalistes. Et c'est intéressant, donc ici, ces réunions internationalistes, ça c'est en 1896, désolé, c'est coupé, c'est la fameuse tournée aux États-Unis prévue de Louise Michel et Pietro Gori, italien, qui n'a jamais eu lieu finalement. Mais c'est un grand classique, on fait des conférences, voilà, pour lever des fonds, pour partir faire une tournée. Donc, Et c'est très intéressant, on voit donc Sébastien Faure était là, il avait dû voyager à Londres pour cette occasion parce qu'il n'était pas exilé. Donc Malatesta, Touzeau Paris, Tom Mann, qui est un syndicaliste révolutionnaire britannique, Toccati, qui est un italo-britannique. Donc on voit des gens d'un peu tous les pays et c'est assez similaire. Ces réunions, donc ça se tient évidemment le 18 mars, le 11 novembre pour l'anniversaire des exécutions de Chicago. Et également le 1er mai, au fur et à mesure que cette tradition du 1er mai s'invente et se développe. Et donc, à ces occasions-là, ben voilà, on a des réunions avec des orateurs qui viennent de différents mouvements, donc Rudolf Rocker également, Kropotkin, plusieurs Britanniques, bon, en grande majorité des hommes. Et Louise Michel, c'est vraiment la star internationale qui fait venir tout le monde. Donc on la retrouve assez souvent et ça donne aussi une certaine centralité à l'anarchisme français. On voit bien aussi bon, la France, pays des révolutions, Louise Michel est là, la Commune, il y a cette tradition qui se perpétue. Et donc ça, c'est un grand moment d'internationalisation également. Alors, les journaux sont également une des principales formes de militantisme pendant cette période. Alors, la Tribune libre, c'est assez intéressant. Ça fait partie des 5 périodiques qui sont édités à Londres pendant cette période. Bon, 5-6 selon les calculs. Mais il est assez intéressant parce que je suis à peu près sûre que c'est un journal monté par la police et financé par la police. Il est très incendiaire. Bon, tout est dans René Bianco. Là-dessus, il a beaucoup écrit, mais on retrouve des individus qui avaient déjà des liens avec la police en France, et notamment des Italiens, dont le très célèbre, je crois qu'il écrit pour la Tribune libre, Luigi Parmigiani, personnage assez inénarrable, qui faisait déjà partie d'une bande de cambrioleurs en France, à Saint-Denis, bon, qu'on retrouve à Londres et qui finira par faire une carrière de faussaire d'art. Il a un musée nommé après lui en Italie. C'est un personnage absolument extraordinaire. Mais bon, à part la Tribune libre, il y a plusieurs journaux, c'est une forme d'activisme très important, beaucoup de placards également qui sont acheminés vers la France. Toute cette presse circule, je n'ai pas mis d'image du père Pénard, mais c'est vraiment le plus frappant, 8 brochures qui sont envoyées jusqu'aux États-Unis, en Amérique latine, ça circule malgré la censure avec des stratagèmes très ingénieux pour contourner la censure, pour être lu. Ça passe dans des enveloppes, on les envoie dans des publications beaucoup plus respectables. Il y en a même un qui s'appelle le Rothschild et qui écrit totalement, uniquement de façon parodique pour contourner la censure. Donc, exploiteurs de tous les pays, unissez-vous. C'est le slogan journal de la classe dirigeante et manifestement, c'est passé. Donc ça, très important, ça circule, les commémorations, j'en ai parlé. L'éducation, très important. Et donc, Louise Michel a fondé une école pendant ses séjours à Londres, ce qui est assez intéressant parce que, bien entendu, les pédagogies libertaires, c'est un courant très important dans cette période, mais je pense qu'on est quand même au début. Et finalement, c'est un projet tout à fait pionnier, qui met en pratique tous ces piliers des pédagogies libertaires, donc respect de l'enfant, éducation intégrale, à la fois intellectuelle, manuelle, physique, apprentissage de la musique, des langues, mais surtout l'idée d'un respect de l'enfant, attention à tout son bien-être, une approche très créative, libre. Et l'école, donc, on voit ici le prospectus pour l'école, donc, qui a été dessiné par l'artiste britannique Walter Crane, très connu. Et le slogan qu'on y passe, c'est donc « à chacun ou de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », donc doctrine bakouniniste. Et l'école donc, vit pendant un an à peu près, elle accueille des enfants, elle est destinée essentiellement aux enfants des réfugiés. Et il y a des enfants de beaucoup de nationalités différentes. Mais elle périclite parce que le secrétaire de l'école, Auguste Coulon, qui semble être un agent de police, a placé des bombes dans le sous-sol de l'école. Louise Michel l'avait laissé s'installer là avec peut-être la naïveté évoqué plus tôt. Et donc, c'est une fin un petit peu triste pour cette école assez pionnière et qui renforce évidemment tous les stéréotypes, l'anarchisme, les bombes, la violence. Et ça ne rend pas du tout justice à ce projet. Alors, la grande question, voilà, pour la transition, c'est qu'en est-il de la propagande par le fait en Angleterre ? Alors, on est vraiment entre le mythe et le réel. C'est une obsession pendant toute cette période. On ne parle que d'attentats, de bombes dans la presse nationale. Voilà, excusez-moi, c'est illisible ici. Voilà un très bon exemple de la presse française, Le Matin. Voilà, cité anarchiste, les anarchistes de Londres, on parle toujours comme ça. Ils sont quelques centaines, donc peut-être quelques milliers si on ajoute les différentes nationalités, mais pour la presse française, voilà, il y a toujours des articles de journalistes qui viennent enquêter sur place, il y a toujours un crime qui est en train d'être commis, etc. Et également dans les rapports d'espions. C'est une obsession, mais évidemment, ils vivent de ça. Il y a toujours quelques mouchards infiltrés qui écrivent plusieurs rapports par jour, et c'est très spéculatif. Je donne beaucoup d'exemples dans le livre, mais donc de cette écriture qui est assez caractéristique de X serait en train de préparer un coup avec un tel, la fabrication de bombes avancerait bon train, donc toujours le conditionnel. Bon, et c'est assez drôle en même temps. C'est vraiment un genre littéraire à part entière, disons. Et de fait, il y a deux grandes affaires d'explosion auxquelles des Français sont mêlés. Donc la première, c'est celle de Walsall, qui est pas très loin de Birmingham, qui est une affaire de fabrication de bombes qui implique des Français et des Italiens. Et là encore, Auguste Coulon, le même Coulon qui a fait exploser l'école de Louise Michel, et en gros qui les manipule pour qu'ils fabriquent des bombes, au terme de quoi les quatre pauvres R qui se sont laissés manipuler se retrouvent en prison durablement. Donc le Français, notamment, des Français, c'est Victor Caille, qui était un anarchiste nantais, qui connaissait Louise Michel, et c'est assez poignant. Il est libéré au bout de quelques années, on peut le suivre, mais ils se sont tous fait piéger. En fait. Le deuxième, et juste pour finir, pour Walsall, ça reste une espèce de scandale d'enfermement abusif, en fait, qui de temps en temps réapparaît au Parlement, qui est une cause progressiste, dont ça décolle pas vraiment, si vous voulez, comme mobilisation progressive. Bon, en France, on voit plus tard, évidemment, et dans le monde entier, l'affaire Ferrer, que des inculpations abusives d'anarchistes peuvent provoquer des vraies mobilisations massives. Walsall, il y a tout petit peu de ça, mais ça ne va pas jusque-là et ça ne sort pas des frontières de l'Angleterre. Greenwich, l'explosion de Greenwich, là, en revanche, c'est une affaire qui a une certaine postérité, notamment car ça a inspiré le roman de Joseph Conrad, L'agent secret, adapté au cinéma avec Gérard Depardieu en son temps et réadapté, il y a encore une adaptation pour la BBC récemment, donc c'est en février 1894, un Français, anarchiste, son frère manifestement est anarchiste, donc Martial Bourdin explose dans le parc de l'observatoire de Greenwich, tué par une bombe qu'il transportait, dont la destination est inconnue. Alors Greenwich, c'est vraiment un symbole, évidemment, de l'impérialisme britannique. C'est l'endroit où se situe le méridien. Il donne le temps, donc symboliquement, c'est extrêmement fort. La bombe, on ne sait pas trop à quoi elle était destinée. On dit la Russie, des détonations accidentelles, ça donne lieu à une très grande exploration de ce monde. Là encore, beaucoup de journalistes sont envoyés à Londres pour, une fois, c'est très rare, et on le voit ici, la police londonienne organise une descente au Club Autonomie. C'est très intéressant parce qu'on voit la représentation de la police. Et pour une fois, les rôles sont inversés. Regardez, là, hop, l'anarchiste un peu ratatiné face à l'inspecteur, je pense que c'est l'inspecteur, Melville, qui est la bête noire des anarchistes. C'est l'inspecteur de Scotland Yard qui se charge de la surveillance des anarchistes, surnommé le Vil Melville. C'est une figure assez intéressante, il parle français et il ira très loin. Il a une grande carrière policière, mais donc des centres de police, ils n'ont pas trouvé grand-chose au club Autonomie, mais ça aboutit à la fermeture du club, donc ça désorganise complètement ces milieux. Bon, là encore, on suppose qu'il a été manipulé. Et notamment, le roman de Conrad parle beaucoup des anarchistes russes, de manipulation diplomatique de ces milieux anarchistes. Donc là encore, en tout cas, ça n'était pas un attentat dirigé contre l'Angleterre. L'idée, c'est que les anarchistes ont bien compris qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire de vagues. Ils ont bien de la chance d'avoir un asile politique, même s'il ne leur plaît pas tellement. Ils sont à Londres. Et même, d'ailleurs, Pouget le dit. On a dit, bon, les autorités britanniques n'ont pas été très impressionnées par cette explosion. Restons calmes. Alors, donc, j'ai parlé, voilà, le club autonomie cristallise tous les fantasmes. C'est l'antre de la révolution, dit Malato, et en fait, bon, pas grand-chose. Malato dira, voilà, on n'y fait pas grand-chose, on y boit, on socialise un peu, les gens parlent, beaucoup déclament, il y a beaucoup d'agents provocateurs qui vont là pour faire des grandes déclarations, pour voir s'ils peuvent repêcher en échange, mais bon, Malato dit qu'il n'y avait rien de... Il n'y avait pas d'actes terroristes ou de violences politiques qui étaient préparés au club autonomie, mais en même temps, il ne l'aurait pas dit si c'était le cas. Mais en tout cas, avec cette obsession de la propagande par le fait, les anarchistes vivent sous une surveillance étroite, omniprésente, et donc dans une atmosphère de suspicion mutuelle permanente. Il y a plusieurs affaires d'espions démasqués, d'agents doubles même, d'agents brûlés, donc, comme on dit. Mais ça, c'est encore caractéristique des milieux d'exil. Le poids de la surveillance politique et donc des suspicions mutuelles qui font que les choses peuvent s'envenimer très rapidement. Et donc, l'atmosphère, on a d'un côté beaucoup de solidarité et également beaucoup de suspicions mutuelles et d'animosité. Et ici, donc, j'ai parlé tout à l'heure des portraits parlés. Donc, ici, vous avez un exemple, bon, côté pile, Élisée Bastard, donc un cas assez intéressant, voilà, donc descriptif, son nom. Bastard, il vient d'une famille, de toute une famille d'anarchistes dionysiens, père et fils, et je suis à peu près sûre que la mère est là également, qui se retrouve intégralement à Londres. Toute la famille part en exil, et également d'autres groupes, mais c'est l'anarchisme dionysien, je pense qu'il y a au moins une vingtaine ou une trentaine d'anarchistes qu'on retrouve à Londres. Donc, hop, l'âge, hop, long, bon, plusieurs abréviations et ici des mesures. Vous voyez, 1m68, hop, l'année de naissance et plusieurs mesures. Donc, le nez, c'est des techniques inventées par Bertillon à la préfecture de police, le bertillonnage. Et donc, ça permet, bon, c'est l'album photographique des anarchistes qui circulent, qui permettent de les identifier, notamment aux frontières. On en a beaucoup comme ça. Alors, avec tout ça, donc, dans les années, ou dès les années 1880, et surtout 1890, s'élèvent des voix, notamment au Parlement, mais dans la presse, pour commencer à protester contre cette habitude qu'a la Grande-Bretagne d'accueillir les révolutionnaires de tous les peuples. Le contexte, et là vraiment, je crois que ça parle assez directement à notre époque, c'est il y a cette tradition du droit d'asile, mais il y a aussi beaucoup d'immigration pendant cette période. Immigration massive, notamment d'Europe de l'Est, sous le poids donc des pogroms antisémites dans l'Empire russe, et donc forte installation de juifs russes, polonais, de tout l'Empire russe, qui viennent s'installer à Londres, notamment, à l'est de Londres, l'East End. On parle de centaines, de milliers de personnes, d'où l'intense panique morale liée, ou juste panique collective liée à l'immigration autour des termes habituels. Ils volent nos emplois, ils déprécient les loyers, ils ne sont pas chrétiens, ils ne pourront pas s'assimiler. Donc tout ça sert de toile de fond, d'accord, pour que monte ce qu'on appelle un courant restrictionniste. Voilà, il faut restreindre l'asile politique, puisque ces immigrés juifs sont là en tant également qu'exilés politiques, que demandeurs d'asile. Donc tout ça, voilà, ici vous avez un exemple d'un... d'un essayiste, en fait. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un essayiste, alors hygiéniste de l'époque, Arnold White, the destitute alien of Great Britain, donc l'étranger pauvre en Grande-Bretagne, la figure repoussoire par excellence. Donc White, il mène une espèce de lobby comme ça dans la presse, il écrit des lettres au Times pour essayer de cristalliser toute cette opposition à l'immigration. Et pendant les années 90, sont déposés plusieurs projets de loi visant à restreindre l'asile politique, mais ça échoue à chaque fois. Donc cette idée que la Grande-Bretagne est un grand pays libéral, elle n'a pas peur des exilés, elle n'a pas peur de la contestation politique, elle peut se permettre d'accueillir tout le monde, donc cette idée tient encore. On l'a vu, ça tient parce qu'il y a aussi derrière une police politique très sérieuse, très professionnelle déjà, mais ça personne ne le dit, c'est secret. Ça commence à être bien documenté maintenant dans l'historiographie. Quelqu'un a écrit un très très bon livre là-dessus il y a 2 ou 3 ans. Mais le discours officiel, c'est « nous sommes une grande puissance libérale ». Ça n'a pas évolué depuis le milieu du 19e siècle, la période du printemps des peuples. Nous sommes très au-dessus de cela. Et donc ça tient. En 1898, après l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche, Sissi, par un anarchiste italien, se tient une grande conférence anti-anarchiste à Rome, donc avec pour but maintenant de coordonner vraiment la lutte policière internationale contre l'anarchisme. Donc c'est une conférence qui dure une semaine, même, non, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça dure vraiment longtemps, ça dure je pense même plusieurs semaines, excusez-moi. Vous avez ici le rapport donc de la délégation française, des pages et des pages de tractations, beaucoup de tractations autour de la question de l'extradition, de l'échange d'informations. La Grande-Bretagne refuse de participer, de signer le protocole final. Et en fait, on sait, bon, ça on peut le voir dans les courriers diplomatiques, c'est qu'elle ne veut pas lever le secret sur ses pratiques policières. Donc elle tient encore. Finalement, elle donne comme excuse ses pratiques libérales. Rebelote, 1901, c'est la conférence de Saint-Pétersbourg qui, là encore, continue à formaliser ses alliances. Et donc, voilà, c'est ça la naissance de l'ancêtre d'Interpol. Et ça tient encore. Et donc, la Grande-Bretagne, à cette date, refuse encore toute législation donc nationale et internationale contre l'anarchisme, réguler les échanges d'informations, mais en revanche, en 1905, quand même, est votée une loi. Voilà, la pression restrictionniste finit par l'emporter, et donc c'est la première loi sur les étrangers adoptée depuis 1826 en Angleterre, et qui mentionne notamment les anarchistes dans le texte de la loi. L'idée est donc de limiter l'immigration d'Europe de l'Est, mais il y a quand même tout un paragraphe sur les anarchistes et ça fait double emploi. Mais donc la Grande-Bretagne aura quand même tenu exceptionnellement longtemps comparé à tout le reste de la Grande-Bretagne. Et vers 1910 a lieu donc toute une série d'affaires criminelles qui impliquent des anarchistes d'Europe de l'Est dans Londres, avec des meurtres et des assassinats, pardon, et également des tentatives de cambriolage. Donc là encore, par des révolutionnaires dont on ne sait pas trop s'ils sont anarchistes. C'est assez emmêlé, mais c'est très très très médiatisé. Et on y voit l'intervention d'un jeune ministre de l'Intérieur britannique, un certain Winston Churchill, qui fait ses premières armes à cette occasion. Et donc en 1905 est voté un deuxième Aliens Act. Le premier, il était vraiment minimal, en fait. Il imposait certains contrôles sur l'arrivée des navires, mais ça n'a pas vraiment été mis en application. 1911, un peu plus. Et en fait, avec la Première Guerre mondiale, c'est là où vraiment ça tombe, surveillance policière à tout craint, contrôle de l'entrée au pays, dans le pays. Mais cette première vague, en fait, cette première série de législation a vraiment préparé le terrain. Alors, quand même. Pour revenir là-dessus, oui. Il y avait la photo, c'était le siège de Sinassi. Oui. Tu en parles après Non. Non. Parce que c'est à cette époque. Oui, oui, oui, 1912. 12. 12, je crois. 1911. Il y avait un film réalisé par un réalisateur allemand là, qui s'appelle Malatesta, je crois, et qui raconte cette histoire. Et il y a un très bon livre qui vient de sortir. C'était des Estoniens, ils venaient des pays. Des Lettons. Lettons. Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. On a trouvé la trace d'un Letton qui était passé par Marseille, je ne sais pas quoi. Oui, absolument. Absolument. Pierre le peintre, Peter the Painter. Ouais, oui, qui était la figure centrale. Oui. Et il y a un très bon, un très très bon livre qui vient de sortir, qui fait en anglais, qui fait le point là-dessus. Oui, oui. Non, oui, oui, il y a des photos de lui, il a travaillé dans le port. Enfin, au port. Alors, une des pérennités de, j'ai presque fini, hein, de toute cette histoire, c'est le syndicalisme révolutionnaire. Pendant toute cette période, l'exil permet d'observer les. Le syndicalisme britannique dont j'ai parlé, et Pouget en tire une très grande inspiration. Et donc réinterprète ce qu'il a vu dans le syndicalisme britannique, les trade unions, en disant « mais c'est formidable, il traite directement avec les patrons, sans médiatisation de l'État, sans médiation, pardon, de l'État, formidable. Donc inspirons-nous-en, infiltrons les syndicats et transformons-les en cellules révolutionnaires ». Et donc, c'est la genèse du syndicalisme révolutionnaire qui a une histoire vraiment extraordinaire. Donc, j'ai parlé de Tom Mann tout à l'heure. Donc, Tom Mann, ça va être une de ses grandes figures jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça va se diffuser ensuite aux États-Unis. Bon, vous avez sans doute entendu parler du livre de Dominique Pinsol sur le sabotage qui vient de sortir, qui reprend ça, puisque évidemment, le sabotage, c'est une partie très importante de toute cette doctrine syndicaliste révolutionnaire, et ça fonctionne de la même façon. Ça naît un petit peu dans cet exil, c'est diffusé par la presse et il y a beaucoup d'allers-retours. Donc le syndicalisme révolutionnaire change de nom et il y a beaucoup d'inspiration mutuelle jusqu'à 1914. Pouget continuera toujours à regarder du côté de la Grande-Bretagne notamment, et donc ça circule, et ici vous avez une autre militante qui a été très active des deux côtés de la Manche, c'est Antoinette Sorgue, la citoyenne Sorgue, qui a prêché la parole syndicaliste révolutionnaire dans des grèves en Grande-Bretagne, en France, et qui est donc été une des grandes passeuses du syndicalisme révolutionnaire. Donc c'est ce qu'on voit quand la plupart des militants sont rentrés en France en 1895, on passe du quotidien de l'exil, du club autonomie, des rues de Londres, à un militantisme de réseau. On se voit dans des conférences, on correspond, il y a des voyages, les journaux, la presse permet d'échanger beaucoup, mais en tout cas, les échanges continuent. Et donc le syndicalisme révolutionnaire, c'est une très grande pérennité quand même de cet exil de quelques centaines de militants. Excusez-moi. Oui. Le photo de Thomas Mann, c'est l'écrivain. Tom Mann. Tom Mann, pardon, non, c'est pas l'allemand. Oui, je c'est un britannique. Okay. Tom Mann qui commence en fait dans la SDF, qui est marxiste, qui est un syndicaliste aussi, mais qui, au moment où les anarchistes en 1896 sont expulsés de la Deuxième Internationale, lors du Congrès de Londres, il y a quelques Britanniques qui rejoignent les réunions anarchistes par solidarité, et il fait partie de cela. Et en fait, il commence à fréquenter un peu les clubs anarchistes, et il va être de plus en plus influencé par ça. Il voyagera, il part en Australie, en Nouvelle-Zélande, et il fait des voyages en France, et c'est un des grands passeurs franco-britanniques internationaux du syndicalisme révolutionnaire. Alors, pour conclure, bon, je passe assez rapidement, mais en fait, bon, mon travail s'inclut vraiment dans un mouvement beaucoup, beaucoup plus vaste, donc de tout ce qu'on appelle, je l'ai dit, l'histoire transnational de l'anarchisme, qui est vraiment en plein essor, et on continue à écrire, voilà, beaucoup de travaux différents sur différentes zones, à différentes échelles. Bon, je pense qu'on peut parler vraiment d'une diaspora anarchiste mondiale, jusqu'à Bon, 1914 peut-être en Europe, hors de, bon, 1936 avec l'Espagne, mais c'est une vague supplémentaire, hors d'Europe, 1914, ça n'a aucun sens, c'est, voilà, ce serait très eurocentrique de dire ça, mais bon, au 19e, peut-être le long 19e, il y a clairement une espèce d'âge d'or, vraiment, de l'anarchisme transnational. Alors, quelques exemples ici. L'ouvrage pionnier, c'est celui de Benedict Anderson, qui étudiait les voyages de deux anarchistes philippins dans le monde entier, notamment en France et en Espagne, et comment ils ont été influencés dans les luttes anticoloniales par l'anarchisme. Très récemment, Isabelle Felici et Costantino Paonessa ont publié un très beau livre, je sais qu'il est ici, sur anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale. Donc pareil, regardez les réseaux, les mobilités de certains individus, des réseaux transnationaux, donc il me semble entre la Tunisie et Odessa, c'est un des chapitres, je suis sûre que c'est Odessa, je ne suis pas trop sûre de l'autre pays, mais c'est pour vous donner une idée. Égypte, énormément, bien sûr. Donc très important, ainsi que quelques chapitres, bien sûr, sur la surveillance des anarchistes italiens, où Marseille est bien entendu mentionnée, et également des réflexions sur voilà, ce que c'est que l'idée de décoloniser l'anarchisme. Là, ça a vraiment du sens quand on pense à toutes ces histoires. Et enfin, un livre qu'a publié Nadine Willems, qui est une collègue francophone également, qui travaille en Grande-Bretagne, sur le géographe japonais Ishikawa Sanchiro, qui est un livre absolument magnifique. C'était un grand ami de Paul Reclus, et si vous connaissez le manifeste des 16, qui donc est vraiment l'acte qui divise le mouvement anarchiste international en 1916, voilà, pour ou contre la participation à la guerre, bah Sanchiro est un des signataires. C'est un petit peu par hasard, en fait, parce que c'est Reclus qui l'a fait signer. Manifestement, il était en France à ce moment-là. Mais c'est un très, très, très beau livre. Et ici, c'est sur le lien entre l'anarchisme, la géographie et le militantisme transnational. Donc, tout un effort vraiment collectif de cartographie, de réseau, avec beaucoup d'échelles, vraiment de l'individuel. Et parfois, c'est régional. Il y a des gens qui travaillent sur les Caraïbes, par exemple. Il y a des gens qui travaillent sur l'Amérique latine. Mais avec ça, on arrive quand même à une espèce de cartographie mondiale, et aussi ça permet de parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc des perspectives postcoloniales, de ce que c'est que décoloniser l'histoire de l'anarchisme, justement, et de battre en brèche cette idée. Voilà, la France, notamment l'Italie, ont porté l'anarchisme dans le monde entier. C'est le grand argument notamment de Nadine Willems, de dire non, il faut regarder ça vraiment dans une perspective horizontale, parce que c'était des amitiés, ils ont échangé des idées, il n'y avait pas d'idée de hiérarchie entre eux, et les militants français, britanniques ont appris beaucoup des Japonais, par exemple, qu'il faut penser comme les Français ont appris énormément des Britanniques. D'accord, l'idée de la CGT, ben voilà. La grande doctrine de la CGT, elle était également inspirée par le syndicalisme, somme toute réformisme de la Grande-Bretagne. Donc ça permet vraiment de poser les grandes questions de l'histoire contemporaine de façon contextualisée, histoire de l'intime, j'ai parlé des femmes, de la sexualité même, puisque toutes les discussions qui traversent l'anarchisme dans le cadre national autour de l'amour libre, on les retrouve aussi dans toutes ces situations de mobilité. Des luttes environnementales très importantes, donc Sanchiro, c'est très important, c'est un thème que l'on retrouve de plus en plus. Bien sûr, l'histoire matérielle des circulations, comment circule-t-il, comment la presse circule-t-elle, etc. Donc voilà, c'est un champ, comme je le disais au début, qui peut paraître un petit peu anecdotique. À chaque fois, on parle d'une personne, de trois personnes, maximum de 500 personnes. Bon, et beaucoup plus quand on parle, par exemple, des migrations d'Italiens dans le monde entier, qui sont des migrations évidemment professionnelles, mais au sein desquelles se développe l'anarchisme. Mais quand même, c'est une histoire en fait qui a, je pense, énormément de choses à apprendre également ou à partager avec d'autres champs historiques et politiques. Voilà, je vous remercie. On est entre nous. merci. Je vous engage à acheter le bouquin. Comme je dis à chaque fois, je ne vous ai pas tout dit. En une heure, là, il reste plein de choses à découvrir. Donc n'hésitez pas à lire son livre. Je ne pense qu'alors, c'est facile. Je suis en train de célèbre. Donc il t'entend. Tant mieux. Vous avez une très bonne audition. Et quand tu vois un film qui s'est doublé, que tu as le meilleur monde qui parle une langue, anglais par exemple, et que tu as la traduction en français, tu peux pas suivre ce que j'ai. Beaucoup de choses, donc je notamment des choses qui vont me servir. Alors dites-nous. Ishikawa Sanchiro, en fait, il a aussi été à l'université des travailleurs en Chine. C'est l'université des travailleurs fondée par les anarchistes chinois. Ah, donc l'école apprend au champ et les champs apprend à l'école, enfin, pour voilà, casser les classes sociales entre le travail manuel et intellectuel. Et donc, c'est l'histoire de manifeste du lycée, c'est lui, effectivement, Li Yui, le fondateur du mouvement anarchiste chinois, était ami donc, de Mongrave. D'ailleurs, le premier journal anarchiste chinois, c'est Xi Jinping, le siècle nouveau, qui a un hommage direct au temps nouveau de Mongrave, puisqu'en fait, il a utilisé les locaux de 4 rue Colbroca à Paris pour faire la première imprimerie donc, en caractère chinois en France. Il y a un lien très proche avec tout ça. Et, par contre, je ne savais pas que Ishikawa Sanchiro avait signé dans les chasses et les 16. Les anarchistes chinois, je n'ai pas trouvé. Je sais qu'il y a. Mais je sais que ça avait aussi une division, parce qu'en fait, les anarchistes chinois, eux, se sont positionnés du côté de Kropotkin et de Jean Graff, parce qu'ils étaient proches en fait, de Jean Graff. Forcément, donc, ils ont suivi cette lignée-là. Ils faisaient la bataille entre les. Avec Eva Goldman et Kaufman, oui. Et puis et les termes de transnationalité, c'est pas très clair pour moi. Transnationalisme, donc. Transnationalisme, par rapport à l'internationalisme, le transnationalisme, c'est quoi exactement? C'est un terme, bon, c'est pas propre à l'histoire de l'anarchisme, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup en histoire, bon, en géographie, c'est vraiment mettre l'accent sur toutes les activités qui traversent les frontières, donc c'est moins idéologique, et souvent quand on parle de ça dans le cadre de l'anarchisme, c'est dire, bon voilà, on va essayer de regarder les circulations, dans toute leur matérialité, dans leurs aspects les plus descriptifs parfois. C'est vrai que voilà, c'est intéressant de dire comment ils ont réussi à aller là, comment est-ce qu'on imprime un journal quand on est surveillé de près par la police, comment est-ce qu'on vit en exil, et aussi bien sûr comment les idées circulent, dans le monde entier. Et comment elles sont traduites, très important. Par exemple, les Chinois ont traduit, on dit toujours que c'est pas vraiment d'anarchisme ce qu'ils ont fait. Oui, mais ils ont traduit du français en chinois, donc ils ont, par exemple, anarchisme en chinois, ça dit Ojianfu Zui, ou c'est ne pas Zui gouvernement, enfin Jianfu gouvernement, Zui isme. En fait, c'est ne pas gouvernement isme. En fait, ils l'ont traduit comme ça, anarchisme en chinois, parce que pour eux, le principal, c'était ça, en fait. Voilà. Magnifique. On attend encore un grand livre sur la traduction dans l'anarchisme. Le transnationalisme et l'internationalisme. Moi, j'appartiens à un courant anarchiste non violent et j'en ai membre de War Resistance International. Ça, c'est l'international situé à Londres. Et là, la différence, c'est les groupes membres, ils ne sont pas des sections nationaux. Comme dans la zone nationale communiste, on devait choisir tout d'abord qui est la propre section nationale. Non, dans le Wolfs National, c'était toujours possible d'appartenir au WRI plusieurs sections qui se confessent sur le programme. Et ça, c'était le transnationalisme. C'était une démarche transnationaliste. Donc, par exemple, moi, je connais de l'Allemagne, il y avait 5 ou 6 organisations qui appartenaient au WRI. Oui, dans un tout autre genre, en plus anecdotique, mais quand tu dis justement la circulation des choses, bon, des journaux, des idées, du coup, Et aussi, je pense, elle m'avait marqué une fois, il y avait Hans Zimmer, donc je ne sais pas pour quel bouquin, mais du coup, je ne sais plus pour quelle cause non plus, hein. Mais bref, c'est arrivé plein de fois, où en très peu de temps, il y avait des milliers de manifestants pour défendre Jaco Vanzetti, par exemple, mais plein d'autres. Alors qu'il n'y avait pas WhatsApp, Facebook, et tout le tralala. Et qu'on dirait aujourd'hui que forcément c'est ça qui fait qu'on va pouvoir se réunir, alors qu'un siècle en arrière, il était tout à fait possible de réunir vite via les gens, beaucoup de gens, via les réseaux, c'est vachement intéressant ce truc, parce que. Mais c'est déjà porté par une révolution technologique. Quand même, pour eux, déjà, dans les transports, les communications à leur époque. Et ça va avec tout ce qu'on a aussi, parce que ça engendre aussi la panique morale, tout circule. Donc, ça, il faut la presse à grand tirage, il faut l'idée d'une conspiration, voilà, qui peut circuler à tout moment. Invention de la dynamite aussi. Donc, il y a tout un imaginaire de la modernité qui aussi joue contre les anarchistes. Mais il y a les deux à la fois. Donc, pas de WhatsApp, mais ils étaient à la pointe, quand même. Ouais, puis les journaux, c'était aussi un peu des forums, en fait. Je sais que le siècle nouveau des Chinois, c'était pour toute l'Europe, et même jusqu'en Chine, ça servait de forum, en fait. Tout le monde pouvait écrire des textes. Il n'y avait pas que des textes sur l'anarchisme, il y avait des textes sur la technologie, la science, la littérature. Enfin, ça, voilà, mais il n'y avait pas que. C'était pas que militant, en fait. Mais. Ça permettait de faire donner des opinions, voilà, d'échanger. C'est leur forum. Oui, c'est leur forum et c'est leur parti aussi à l'époque. Ça sert vraiment de lieu de dialogue, de réunion, de discussion parfois vigoureuse. Oui, c'est pareil pour les temps nouveaux. J'ai l'impression quand on compare tous les groupes d'exilés que ils ont reformé leur communauté. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est dans quelle mesure ils ont pris contact avec les anarchistes locaux. Parce qu'en Égypte, il y avait des Italiens, des Grecs, tout ça, qui avaient leur groupe ANA, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'Arabes. Je crois qu'il y avait un peu de contact, pas beaucoup, en Algérie, pareil. Bon, on cite, on connaît un Saïd Mohamed, là, qui était... Mais sinon, ils étaient vraiment entre eux, puis reclus, ils avaient même de la colonisation, entre guillemets. Donc ça, c'est des rapports bizarres. En France, tous les Espagnols qui sont arrivés en 1939, ça n'a pas boosté le mouvement français. Marseille, bon, on les a connus. Hein. Ils étaient... après, il y a des Français qui allaient, mais ils faisaient des pièces de théâtre en espagnol. Il y avait des groupes de la CNT dans toutes les villes des Bouches-du-Rhône, mais il n'y avait que des Espagnols. Il n'y avait pas un Français qui allait avec eux, quoi. Okay. Et c'est quand même et là à Londres, j'ai l'impression aussi que c'était, il n'y a pas trop d'échanges avec les Anglais, d'après ce que tu as dit. C'est peut-être un plus local, mais à Bordeaux justement, il y a eu beaucoup d'échanges entre les Espagnols et les Français. Ouais. Enfin, l'Athénée Libertaire a été fondée par des Espagnols et des Français qui ont créé ensemble ce lieu. Donc, mais c'était une exception. Pepita Carpena, vous avez peut-être vu parce qu'elle a publié ses mémoires. Qui s'est investi dans le CIRA, mais c'était là quasiment la seule des Espagnols. Ils faisaient leur pique-nique ensemble, des trucs comme ça, mais ils restaient. Ils se sont. Après, leurs enfants, oui, sont rentrés dans le mouvement français, mais eux, les exilés, pas tellement, quoi. Tout en se demandant si chaque peuple dit nous, on est les plus forts. Parce que je me souviens de copains qui venaient au débat, puis à la fin, nous, les Espagnols, on a fait ça. En même temps, eux, ils avaient fait la révolution, mais pas nous. Vous avez une expérience concrète. Ben oui, c'est des gens qui avaient déjà un certain âge, et quand ils avaient 20 ans, etc., ils ont fait 2 ans, 3 ans, où il y avait une application, ça marque à vie, quoi. Ben à Bordeaux, on avait fait, comme on fait tous les ans, en fait, l'Athénée Libertaire tous les ans, enfin tous les 10 ans, pardon. Et j'ai eu la chance de rencontrer les anarchistes espagnols qui étaient à l'origine de l'Athénée Libertaire, donc avec les Bordelais. Et moi, je suis déjà très vieux, donc ils n'ont pas pu discuter. Mais bon, voilà, ça témoigne un peu de. Là, pour moi, c'est peut-être un contre-exemple justement d'un mélange entre bordelais et espagnol. C'est bien. Parce que ça a vraiment été. Enfin, on doit la télé de la faire aux Espagnols. D'accord. C'est vraiment une rencontre en fait. Enfin, d'après ce que j'ai compris, l'histoire qui s'est transmise. Alors, en Angleterre, est-ce qu'ils ont laissé une trace, les Français, une fois qu'ils sont rentrés chez eux? Oui, mais je pensais à ça dépend vraiment des contextes. C'est une question vraiment importante. À quel point est-ce qu'on se mélange? Est-ce qu'il y a des synergies? Mais par exemple, dans le livre, voilà, sur l'anarchisme en Méditerranée, ils disent qu'il y avait beaucoup de racisme dans certains, vraiment un vrai mépris par rapport aux populations et aux militants locaux. Et en Grande-Bretagne, alors s'il y a beaucoup de traces, non, par exemple, il n'y a même pas de plaque. Kropotkin a une plaque. En Angleterre, c'est une grande tradition de mettre une plaque bleue. Mais il y a une plaque bleue alternative qui a été mise par un groupement anarchiste. L'école de Louise Michel n'a pas de plaque. C'est présent dans les mémoires radicales. Il y a par exemple c'est une grande tradition aussi britannique de faire des marches dans la ville, des promenades. Voilà, des promenades radicales. Et il y en a assez souvent. Dans tout le quartier français, voilà, l'école. Donc ça se fait beaucoup avec les communards. Mais oui, le grand héritage, bon, c'est le livre de Conrad. Et ouais. C'est sans doute, c'est le syndicalisme révolutionnaire, une échelle un peu différente. Il y a ça. Et donc, oui, de ce point de vue, il y avait quand même... Il y a eu des mélanges, mais à un niveau très élitaire. Des couples aussi, peut-être. Oui. Formel. Oui. Oui, oui, absolument. J'essaie de... Elle accompagne de gendarmes, c'est pas une anglaise. Alors oui, mais c'était un autre contexte. Elle lui a été présentée par Kropotkin. D'accord. Absolument. C'est Kropotkin qui les a présentés, mais grave, qui ne faisait jamais rien, comme tout le monde. Donc lui, il n'est jamais parti en exil, mais après, ils se sont mariés, donc il allait dans sa belle famille, et c'était une famille très, très riche, en fait. C'était quasi pas une aristocrate, mais vraiment la très haute société... Et il a passé toute la guerre là-bas, dans des belles demeures. Alors qu'il avait signé le manifeste. Voilà. Et il a essayé, alors lui, il a essayé de se rallier avec des pacifistes britanniques pour encourager les gens à chercher, les populations à chercher des solutions, négocier. Bon. Il était vieux. Moi, c'est ce que je n'avais pas compris, pourquoi il a signé ce manifeste et puis finalement, il est parti en fait. Parce que sa femme avait une santé très fragile. Ouais. Je cherche, c'est surtout, c'est plus justement dans les chez les anarchistes juifs de l'East End, il y a eu plus de mélange, plus d'intermariage. Là, c'était quand même l'exil français. Il est petit, c'est court, c'est bref. Ils veulent rentrer. Il y en a très peu qui s'installent. Donc, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de collaboration, relations amoureuses. Il y a des passades qui sont relatées dans les archives, mais des couples à part grave. J'ai du mal à en trouver. Jean-Graff, il a beaucoup fait pour les anarchistes chinois. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est sûr, mais j'avais rien trouvé justement. Il a prêté son local, il a essayé de faire une imprimerie. C'est pour ça que Liu Ying lui rend hommage en Xin Shuti. Voilà, le siècle nouveau, les temps nouveaux, c'est un hommage en fait. Oui. Mais est-ce que c'est lié à la vente de ses livres en Chine après, quand il est mort? Parce que ses livres sont partis en Chine, en fait, quand il est mort. Le titre ? Toute sa collection de livres, sa maison a été vidée, voilà. Mais c'était en 1939. Mais en fait, quand Liu est arrivé, enfin, le fondateur du mouvement anarchiste chinois est arrivé en France, il a côtoyé, en fait, Paul Reclus, il a côtoyé Jean Grat, il a côtoyé toute cette sphère-là, en fait. Et donc, il était vraiment très, très proche, en fait, de cet univers-là. Il a voulu mettre en application, donc... l'abolition des classes sociales, en faisant le mouvement travail-études. Comme ça, les bourgeois travaillent à l'usine, et les paysans et les ouvriers vont à l'université. Comme ça, il n'y a plus de différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Tout le monde est pareil. Et voilà, c'était l'utopie du mouvement travail-études. Ça m'étonne que ça ait parlé à Grave. C'est quand même assez éloigné de ces... c'est très intéressant, c'est formidable. Ouais. Enfin, après, ça, c'est les anarchistes chinois qui ont fait... Oui. Hein, voilà. C'est la bibliothèque de Graf qui est partie en Chine. Alors ça, je ne sais pas. Non, mais ce que vous avez... Oui, quand il est mort, quand il est mort, en fait, sa famille a... Enfin, c'est, oui. Mais par qui, par lequel... Ses neveux... J'ai quelques pages. Alors, j'ai quelques pages, mais de quelque chose totalement inédit. Excusez-moi, je digresse. Mais justement, qu'un chercheur britannique qui fait des recherches sur sa famille à elle... Donc lui, c'est plutôt le côté grande famille bourgeoise galloise qui l'intéresse. C'est un historien du Pays de Galles. Et il m'a envoyé, là, il y a quelques semaines, des photos d'un livre que ses nièces, donc côté gallois, ont écrit, mais avec des photos de Graves et de sa femme complètement inédites, plein d'anecdotes sur lui, et donc ce qui s'est passé quand il est mort. Et donc ces livres, en fait, je l'ai là dans mon téléphone, ces livres sont partis en Chine... Presque par erreur, ils envoyaient toute la bibliothèque et donc les nièces disaient mais ils envoyaient les livres de notre tante, toute sa littérature d'enfance galloise est partie en Chine et on ne sait pas ce que c'est devenu. Qui a réceptionné en Chine ? Je ne sais pas si je l'ai. Je vais regarder. Vous allez échanger. Oui. Mais ça c'est connu. Je crois que c'était déjà dans le métro, dans son entrée dans le métro. Il faudrait que je regarde qui a réceptionné. Il est mort en quelle année ? 39. Donc c'était pendant la guerre en plus. Donc c'est la deuxième génération. Et on dit sa femme, comment elle s'appelait ? Mabel. Mabel Holland. On avait fait Oui, donc calendrier. Un calendrier et on a mis. Mais c'est ça qu'il a fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'était une artiste. Oui. Mais c'est la seule femme qu'on a mis avec des bons hommes. Oui, c'est Marianne. Il y a 39, le mouvement anarchiste. Il est quand même bien décliné, donc c'était plus compliqué de rester anarchiste à cette époque. J'aimerais savoir si c'est une idée qui a récessionné pour. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont ou convertis au communisme ou qui ont rejoint le Kuomintang. Et finalement, le mouvement anarchiste qui était vraiment le premier et le plus grand mouvement, finalement s'est réduit comme une peau de chagrin par rapport à ce conflit entre le Kuomintang et le Parti communiste où il fallait se positionner. Et pour eux, il n'y avait pas de troisième voie possible. Et puis après, tous les événements qui ont eu en Chine, les seigneurs de la guerre, tout ça, les casse-noix japonaises. Il y a tout plein d'autres événements qui ont fait que ça a tout chamboulé. En Angleterre, à l'époque, c'était les anarchistes sont regroupés autour de journaux, il n'y avait pas de groupe ou de syndicat, si ? Non ? Il y avait. Oui, il y avait. Pas la Fédération anarchiste anglaise. Non. C'était vraiment des groupes, donc autour de Freedom, le journal de Kropotkin, Commonweal de William Morris, et deux ou trois autres, et des petits journaux. Non, c'était vraiment petit. Rodolphe Rocker, son histoire, c'est quoi ? Lui, il est allemand, exilé, mais il a pris la défense des ouvriers juifs, et il a pris le yiddish. Il a fait journal en yiddish là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà, pas mal. Ça, c'est fou, pas mal. Voilà, c'est belle histoire, ça aussi. Oui. Voilà, avec une histoire aussi conjugale assez intéressante, parce qu'après, il a été interné au début de la guerre. Enfin, c'était vraiment. Il a signé aussi le manifeste des. Le document contre, justement, il était avec Bergman et Max Goldman. Il a écrit en anglais, en allemand et en français qui est contre, justement. Voilà, donc, ça a été tout un échange. Et ça, c'était à Londres encore, parce que c'était surtout entre Malatesta et Kropotkin. Mais Rocker n'a pas signé le manifeste. Non, il a signé de l'autre côté. En allemand, en anglais, en français. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut discuter autrement. Si ça vous dit. Tout à fait. À côté. En tout cas, merci d'être venu de si loin. Avec plaisir, merci à vous.